Allez, je vais prendre un peu. On va. Déjà, effectivement, on va prendre l'habitude, je crois, à chaque cours, on se retrouve 5 minutes avant et puis on prend le chariot et on va le chercher. On a répertorié les 3 salles où il y a des... En particulier, on a la 9 où il n'y a rien de 5 à 7. Et donc là, on peut en prendre autant qu'on veut. Voilà. Et après, avec le chariot pour l'ascenseur, c'est un truc de 5 minutes et c'est bon. Elle est beaucoup plus grande. La 7 est grande. La 7 est grande. Oui, la 7, elle est la logique du capitalisme actuel est bien résumée avec le jeu des chaises musicales. Je vais vous dire aussi de cette manière. Ça vous introduit, ça vous introduit. Ça a permis assez de chaises pour tout le monde. Évidemment, je suis content de voir qu'il y a tellement de monde d'être si motivé. J'espère bien mériter cet intérêt. Et d'ailleurs, je tiens aussi toujours à souligner donc, que ce que j'ai dit ici, donc, c'est vraiment le produit d'une élaboration collective donc, qui a été faite d'abord en Allemagne par la critique de la valeur, par Robert Kurz essentiellement, mais justement dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Je m'appuie aussi sur l'autre auteur de la revue Crisis qui est Ernst Lohoff et encore un autre auteur qui est Carl Wedel, donc, qui se trouve aussi dans la bibliographie que j'ai distribuée. Donc, je tiens toujours à souligner donc, que ce qui peut avoir de la valeur dans la critique de la valeur n'est quand même pas les mérites personnels de personne, de toute manière, pas les miens. Et j'ai distribué l'autre fois des séances et une bibliographie. Malheureusement, j'ai oublié de faire d'autres photocopies. Donc, s'il y a des gens qui ne notent pas aujourd'hui, on va encore peut-être la prochaine fois, je vais encore en amener. De toute manière, le programme, on est éternellement en retard sur le programme. Donc, je doute fortement que je réussisse à le terminer pour avril, mais on ne peut pas continuer l'année après, de toute manière pas ici, parce que cette charge n'est reconductible qu'une seule fois. À la limite, on va je ne sais pas, aller ailleurs, je ne sais pas quoi, squatter le Collège de France, ou peut-être. J'imagine qu'au moins après 2 séances, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, de poser des questions, de faire des objections. Mais je pense que c'est mieux de le faire à la fin, parce que sinon on risque de ne pas, même pas commencer. Donc peut-être on va terminer. Je vais donc tâcher de terminer un peu avant. Et, parce que de toute manière, je pense qu'il faut encore la première heure pour terminer un peu le discours que je n'avais pas terminé l'autre fois, c'est-à-dire un peu un examen de la philosophie de lumière en tant que première élaboration complète de cette espèce de forme vide, du forme sujet en tant que forme sans contenu, donc un peu le sujet de notre cours. Et donc, je crois qu'on s'était laissé la dernière fois au milieu de l'analyse de quelques pensées d'Immanuel Kant, et donc je vais le terminer aujourd'hui. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas exactement où je les avais laissés la dernière fois, en ajoutant quelques remarques encore sur le Marquis de Sade. Ensuite, le volet, c'est un peu philosophique, parce qu'évidemment, ces considérations sur l'histoire de la forme sujet en tant que liée à la forme valeur capitaliste, évidemment, ne peut pas prétendre ici dans ce cadre d'être complète. Évidemment, je ne donne ici que quelques petits éclaircissements, quelques Et donc, il y a donc cette première partie, donc sur le côté philosophique, nous avons parlé de Descartes, qui exprime de la manière la plus claire, la plus parfaite, cette espèce d'opposition entre un sujet complètement vide des déterminations séparées par rapport à son monde, qui n'est qu'une nature extérieure, et à partir de son propre corps, qui est certaine manière vers laquelle... En vérité, il n'y a aucun rapport préétabli, donc on peut simplement tenter après coup de se comparer. Donc aujourd'hui, nous allons voir avec une espèce d'étape successive chez Kant et chez Sade, et pour voir après brièvement comment cela a continué dans le 19e siècle, avec une espèce de changement d'échelle où le sujet est essentiellement considéré en termes de connaissances, en termes purement philosophiques, en termes de la philosophie classique, devient un sujet de volonté, un sujet réel, donc ce que s'exprime. Quoi. Donc essentiellement, classiquement, dans les notions de classes d'un côté et des nations et des races de l'autre côté, comme une espèce de remplissement de cette forme vide du sujet. Mais après, on va un peu abandonner ce côté philosophique, parce que sinon, ça pourrait évidemment très bien être sujet de plusieurs années de cours ici. Je voulais passer à un autre sujet, donc c'est-à-dire au concept de narcissisme au sens philosophique. Et justement que le narcissisme individuel, le narcissisme au sens psychoanalytique, comme la forme contemporaine, donc de la forme sujet, et justement comme une espèce de individualisation de ce qui était le sujet collectif du 19e siècle. Et donc j'espère de pouvoir consacrer aujourd'hui le deuxième cours et à un exemple, c'est-à-dire simplement à une espèce d'explication, d'ailleurs donc purement explicative, de qu'est-ce que c'est que le concept de narcissisme chez Sigmund Freud, justement pour au moins savoir de quoi on parle. Donc après la prochaine séance, dans deux semaines, je voudrais donc reprendre le terme de narcissisme chez... toujours évidemment, juste pour quelques aperçus chez d'autres auteurs psychoanalystes successifs à Freud, pour passer ensuite à l'œuvre de Christopher Lesch, donc qui est pratiquement le premier qui a établi une étude sociologique du capitalisme centrée sur le concept de narcissisme. Donc, alors commençons donc encore aujourd'hui avec Immanuel Kant. Je l'avais dit l'autre fois que Kant est considéré très souvent comme un penseur de la liberté, comme un penseur de l'autonomie humaine, comme celui qui avait dit que dans l'impératif catégorique, agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne qu'en toute autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. Donc on a très souvent indiqué comme Kant une espèce, une penseur de l'autonomie et de la dignité humaine, ou comme Kant même disait que les lumières sont la sortie de l'homme de son état de minorité. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'il a été repris souvent, même à l'époque récente, par d'autres... pas beaucoup de penseurs, même à gauche, mais même des penseurs de l'émancipation, comme une espèce de figure surtout du sujet fort, donc du sujet, donc d'une certaine manière, du sujet autonome, qui on pourrait implicitement même opposer au sujet automate, par Marx, que nous avons souvent évoqué ce concept de sujet automate, donc qui est la valeur, donc un sujet pratiquement qui n'a pas conscience de soi-même, mais qui est pratiquement qui n'est que l'expression des lois fétichistes et la valorisation de la valeur. Et donc un auteur dont nous aurons encore nous occuper dans la prochaine année, comme Daniel Robert Dufour, par exemple dans son livre L'art de réduire les têtes, oppose fortement par exemple ce que lui il considère le sujet fort au sens de Kant et de Freud, au sujet faible donc, de l'époque néolibérale, de l'époque du, euh, de l'époque de la consommation, de l'époque post-moderne, qui, certaine manière, qui aurait donc de manière qui aurait donc terminé le sujet fort, le sujet donc autonome, qui aurait caractérisé la première étape du capitalisme. On trouve d'ailleurs une conception un peu similaire, une espèce de décadence du sujet, même par exemple chez les penseurs de l'école de Francfort, et Adorno notamment. Alors ici, donc ce que la lecture de Kant que je vous propose brièvement, suivant les indications de Robert Kurz, surtout d'autres auteurs de crise, est très différente par rapport à ceci. Ici, Kant, au contraire, apparaît comme un des fondateurs d'une conception du sujet qui est déjà le résultat, nous l'avons déjà dit, de l'intériorisation de toutes les contraintes capitalistes, un sujet qui est déjà basé sur une obéissance à des lois qui n'ont pratiquement... où c'est l'obéissance qui compte et pas le contenu des lois. Et donc, alors, le sujet de lumière, le sujet au sens kantien, donc, dans cette perspective, n'est pas du tout le contraire du sujet faible postmoderne actuel, mais au contraire, et son présupposé long terme. Certaines manières, est une espèce de base... qui pratiquement est arrivé dans les dernières décennies simplement à sa vérité qui avant était cachée. Je anticipe un peu sur cette thématique parce que je veux revenir plusieurs fois même dans le reste du cours. Donc je veux aussi proposer d'autres lectures de la réalité contemporaine ou de la phase néolibérale du capitalisme qui sont parfois des lectures très critiques et très fortes, comme les critiques de Christopher Lesch, comme la critique de Daniel Robert Dufour, ou même d'auteurs comme Jean-Claude Michéard, ou si on veut même des auteurs comme dans un autre registre, comme Luc Poltanski ou d'autres, qui sont souvent effectivement des descriptions très... précise dans leur description indignée de la réalité contemporaine, mais qui oppose toujours cette dernière phase de la société de la capitaliste à une phase antérieure qui aurait été beaucoup mieux, qui même aurait été presque le contraire. On trouve un peu la même chose aussi dans le domaine économique entre ceux qui opposent la seule phase de l'économie néolibéraliste à un système keynésien qui on suppose équilibré jusqu'aux années 60. Je ne sais pas si vous voyez un peu le parallélisme. Donc, dans les deux cas, on présuppose que, d'une certaine manière, que le capitalisme actuel, le capitalisme sauvage, est une espèce d'aberration par rapport à un autre système beaucoup plus équilibré qui aurait régné avant, et surtout dans le 30 glorieuse, qui aurait régné autant dans les domaines économiques tout sensu, que dans le domaine de ce qu'on appelle avec un joli terme l'économie psychique. Dans notre perspective, il est assez intéressant de voir ces deux termes toujours parallèles, l'économie vraiment dans le sens de la production et l'économie psychique. D'ailleurs, ce terme, je trouve finalement assez bien choisi, ce terme freudien de l'économie psychique. Et justement, donc, la perspective que moi je propose ici se oppose à cette idée que nous vivons une espèce de dégénération par rapport à une étape plus équilibrée avant. Au contraire, je tente de démontrer que ce sont les bases même de la société capitaliste qui ont toujours été totalement déséquilibrées. Ils ont été sur le plan de la production de la valeur. Nous en avons parlé l'année dernière. Une société basée sur le travail abstrait ne peut absolument pas être une société consciente de ses propres moyens. Mais la même chose est aussi vraie sur l'autre version, la version de la forme sujet. Donc tout ce qui nous frappe aujourd'hui comme une espèce de décentrement du sujet est aussi souvent décrit comme une énorme augmentation, par exemple, des dépressions, des suicides, des psychoses, du narcissisme. Donc tout cela, d'une certaine manière, n'est pas le démenti, mais au contraire, certainement, c'est la continuation de quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps, et c'est d'une certaine manière qu'on peut justement faire retracer au monde jusqu'à lumière et à la éventuellement même jusqu'au XVIe siècle. C'est justement l'histoire de la forme-valeur, donc il est question ici. Donc, la dernière forme des centres qui est certainement un développement plus extrême, mais pas du tout une inversion des tendances par rapport à ce qu'on avait vu avant. Alors, donc pour revenir, donc je dis brièvement chez Kant, parce qu'on aurait aussi pu faire tout un séminaire donc de lecture de Kant. Chez Kant, nous trouvons donc cette espèce, cette réduction d'abord de l'être humain à un être de pure connaissance. Donc, nous avons dit dans l'épistémologie de Kant, ce n'est pas le sujet empirique qui compte, mais le sujet transcendantal, comme il l'appelle, donc un sujet donc, qui est une espèce de structure qui existe au-delà de tout ce qui fait réellement les êtres humains dans leur concrétude, dans leur individu, dans leur particularité. Donc c'est un être qui est simplement caractérisé par le fait de percevoir le monde à travers les catégories du temps, de l'espace et de la causalité. Et donc ensuite, cette espèce de ce qu'on appelle le formalisme de Kant, ce fait d'évacuer tout contenu de la vie humaine pour réduire la vie humaine à une espèce de respect des règles, est beaucoup plus fort dans la éthique, dans la morale de Kant. Donc, je l'avais dit, qui s'exprime surtout dans la critique de la raison pratique et dans le prolégomène à la métaphysique des mœurs et dans la métaphysique des mœurs, ou des coutumes, c'est la traduction française. Et, métaphysique des mœurs, qui effectivement a eu une influence mineure par rapport à sa philosophie de la connaissance, mais qui quand même sa morale, comme on peut dire, par sa rigidité, a été beaucoup critiquée déjà à l'époque, mais justement même dans ses aspects presque caricaturaux, cette la morale kantienne peut être considérée comme une espèce d'expression peut-être la plus concentrée justement de ce qui est au fondement du sujet bourgeois, donc un sujet donc d'une certaine manière pour laquelle tout ce qui est concret dans le monde, ses propres inclinaisons, sa propre sensibilité, son corps et autant que celui des autres personnes ne sont qu'une espèce de pollution de cette pureté qui n'existe que dans le royaume des idées, que dans le royaume des lois. Donc c'est quelque chose qu'il faut réduire au minimum. Donc là, on peut le voir vraiment en parallèle avec la dialectique entre la valeur et la valeur d'usage. La valeur en tant qu'accumulation de travail abstrait ne peut évidemment pas complètement se libérer du monde concret, parce qu'il faut quand même toujours que chaque travail prenne corps dans une marchandise qui a quelques valeurs d'usage. Mais cela est presque une espèce, de dommage collatéral. Donc dans la morale kantienne, c'est la même chose. Donc le monde tel qu'il est réellement donc, n'est pas du tout le centre de la vie, mais au contraire, c'est quelque chose avec lequel il faut juste composer parce qu'on ne peut pas l'abolir complètement. Et donc, on peut donc dire que la philosophie de Kant, d'une certaine manière, est aussi un moment de changement, d'un côté, parce que cette espèce de désubstantialisation, de désensibilisation de l'homme, qui avait déjà commencé à la Renaissance, et trouve une espèce de point d'ordre chez Kant. Comme je dis déjà, nous avons déjà vu déjà chez Descartes pratiquement donc le sujet est justement défini comme une pure esprit donc pour lequel déjà son corps fait partie de la res extensa, donc c'est-à-dire de la matière. Donc chez Kant c'est encore plus radical, donc le véritable, la connaissance, c'est quelque chose que se situe complètement hors de toute situation concrète. De l'autre côté, à partir de Kant, d'une certaine manière, la tendance tend à se renverser parce qu'à partir de Kant, nous voyons ensuite, dans la philosophie du 19e siècle, une espèce de resubstantialisation de cette espèce de moi complètement vide et formel. Donc quand l'être humain était devenu un être pur, qui serait pratiquement qui n'existe que pour connaître le monde. Donc, en même temps, évidemment, donne assez peu de prise sur le monde réel. En effet, justement, la morale contient est pratiquement, et de cette manière, ne peut pas être réellement vécue, comme nous allons voir, parce que, par exemple, des préceptes contiennent du genre, si un assassin poursuit une amie à toi, et cette amie est en train de se cacher dans ta maison, et l'assassin te demande s'il est dans ta maison, donc l'amour de la vérité doit te obliger à dire oui. Donc quand dans plusieurs de ces exemples, donc évidemment, faut comprendre que sa philosophie en vérité n'est même pas faite pour être réellement vécue, mais seulement pour donner une espèce d'exigence idéale. Et donc, à partir du XIXe siècle, au contraire, la philosophie, surtout en Allemagne, donc au contraire, met au centre de ces réflexions ensuite, pas non plus la connaissance, mais finalement la volonté. Et donc là, donc, il y a une espèce de retour de ce sujet dans un monde où, effectivement, il existe des objets concrets, il existe d'autres êtres humains, il existe surtout des antagonistes dans le monde. Mais le nouveau sujet pseudo-réel du 19e siècle, on peut dire que sont surtout pour la gauche, c'est surtout la classe, pour la droite, c'est surtout le peuple ou la race. Ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment pris dans la réalité, mais ce sont de certaines manières de nouvelles incarnations d'un principe abstrait. Et donc là aussi, au nouveau parallélisme avec la dialectique de la valeur abstraite et de la valeur d'usage. Finalement, même dans les processus de production, finalement, la valeur d'usage dans le système capitaliste existe, mais n'a plus aucune autonomie. Il n'existe que comme support nécessaire de cette espèce de volonté abstraite qui est la chose qui réellement compte. Et Lohoff dit en effet, donc l'auteur donc, que je résume aussi ici, que l'histoire du XVIIe, XVIIIe siècle peut être comprise comme la subsomption formelle des individus sous la forme sujet. Alors, je vous rappelle, Marx aussi il distingue une subsomption formelle sous le capital, lorsque encore le processus de production reste en vérité traditionnel, essentiellement artisanal, il est simplement pris en régie extérieurement pour le capital. Par exemple, parce que les artisans deviennent des salariés, ils doivent travailler plus longtemps pour leurs employeurs. Tandis qu'après, dans une deuxième phase, dit Marx, existe ce qu'on appelle la subsomption réelle sous le capital, c'est-à-dire le processus de production est dès le début organisé dans les usines, et dès le début organisé par le processus concret, le processus des valeurs d'usage, est dès le début organisé en vue de la production des valeurs, de l'accumulation du travail abstrait. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive dans un deuxième moment, où, comme c'était le cas au moment de la subsomption formelle. Peut-être si vous avez lu pour Marx, vous connaissez cette distinction. Alors ici, donc, Ernst Lohoff, d'une manière, il fait ce parallélisme, il a dit au 17e, 18e siècle, il y avait donc la forme sujet se imposait encore sur un plan plutôt formel, donc c'est-à-dire limité essentiellement à la sphère de la connaissance, et surtout c'était encore un discours philosophique qui d'ailleurs ne touchait pas en vérité et beaucoup les autres êtres humains. Au 19e siècle, c'est bien différent. Donc il y a donc le sujet au moins dans les pays industrialisés rentre en masse dans la nouvelle forme sujet, il commence à vivre vraiment selon cette forme qu'on leur impose, tandis qu'évidemment sauf pour quelques penseurs la définition cartésienne de l'être du sujet au XVIIe siècle ne changeait rien dans leur existence réelle. Au XIXe siècle, le fait de se définir prolétaire ou bourgeois ou français ou allemand en tant que fond sujet changeait énormément effectivement dans la manière de vivre, de se percevoir, dans la mentalité et tout. Donc la fond sujet commençait donc réellement à remodeler les individus de leur vie au 19e siècle. Et Donc pour Kant, donc le sujet doté de raison est quelqu'un pour qui la réalité n'existe qu'en tant qu'elle est appréhendée à travers les catégories de ce sujet. Parce que justement, par contre, le sujet ne peut jamais connaître réellement le monde. Il est totalement séparé par rapport au monde. C'est ce qu'appelle Kant la chose en soi. Et quelque chose donc, qui nous reste à jamais inconnaissable. Nous ne pouvons connaître que le catégorie avec lequel nous apprenons le monde et la manière comment le monde donc de cette manière se représente selon notre propre schéma dans la tête, comme dit Kant. Et donc ça veut dire que les objets n'existent que dans la représentation du sujet et ce sujet reste radicalement séparé de ces objets. Et plus la raison est pure, justement, c'est pas le critique de la raison pure, ou d'ailleurs, évidemment, critique ici ne signifie pas critique dans le sens de critique négative, mais signifie ici examen. Alors, plus la raison est pure en se séparant du sensible, plus elle est hantée par ce sensible, plus elle a peur de ce chaos amorphe, je pense que c'est le mot de Kant, qu'elle doit tenter de contrôler en recourant encore davantage à la raison. On voit aisément le lien de ce refoulement avec l'inconscient freudienne. Donc ça veut dire donc plus donc les sujets tentent de comprendre le monde seulement à travers ces catégories pures et philosophiques, et plus donc tout ce qui lui échappe de certaines manières, donc tout ce par exemple qui est la sensibilité, tout ce qui est le monde dans sa réalité, et tout ce qui est aussi tout le monde des émotions, des sensations, donc tout cela donc qui n'a pas de place dans ce grillage de pour apprendre le monde, évidemment ne disparaît pas, mais fait retour. Justement, c'est ce que Freud a thématisé un siècle plus tard sur l'homme de refoulé, d'inconscient, mais en vérité c'est déjà logiquement contenu, évidemment, dans la certaine manière, dans la philosophie kantienne. Donc la séparation entre une partie du monde qu'on veut apprendre et tout le reste qu'on laisse de manière dehors. Avec une grande différence, la raison kantienne n'est pas seulement une réaction à l'inquiétante sphère du sensible. Elle produit elle-même cette sphère en tant que séparée et inquiétante. Parce que justement, si comme dans la philosophie kantienne, tout dans le monde se doit d'être rationnel, et ça veut aussi dire que donc, tout ce qui n'est pas considéré rationnel donc, nous fait encore plus peur qu'avant parce que nous devons de plus possible l'éloigner. Et c'est, évidemment, c'est le mécanisme classique de la projection, plus tard décrit évidemment pour la psychoanalyse. Plus évidemment, par exemple, donner un exemple très classique, plus évidemment pour l'individu, il est inadmissible d'admettre sa propre part d'homosexualité. Donc, moins qu'il peut l'admettre, plus évidemment, il voit partout des homosexuels donc, qui agissent et qui tentent de le séduire. Là, c'est un exemple classique, mais cela est vrai aussi dans beaucoup d'autres domaines. Donc, plus, par exemple, le sujet bourgeois, en vérité, n'aurait pas envie de se lever à 6h du matin, nous avons déjà dit, pour aller travailler, plus évidemment il accuse tous les autres d'être des paresseux, plus il croit que le monde est plein de parasites que l'on veut à son portefeuille. Donc ce sont des mécanismes de projection qui ont été décrits, surtout par la psychoanalyse, mais qui, d'une certaine manière, existent déjà dans la philosophie de lumière. Donc justement, cette tentative de rationaliser le monde, d'une certaine manière, laisse aussi tout le reste dehors. On peut donc dire l'irrationnel moderne est le produit de la rationalité moderne. Celle-ci projette son côté irrationnel sur les êtres empiriques. Donc ça veut aussi dire, donc, plus le sujet moderne se définit soi-même comme être discipliné, rationnel, prévoyant, etc., plus évidemment, donc plus il doit chasser de soi-même tout ce qui ne l'est pas, plus il le projette sur d'autres êtres humains. Justement, par exemple, le désir de ne pas consacrer toute sa vie à gagner de l'argent, justement, est projeté, par exemple, classiquement dans le syndrome antisémite sur le juif, donc accusé de se emparer de l'argent des autres sans travailler. Et donc, finalement, donc, on persécute donc, dans la figure de l'autre, évidemment, ce qu'on ne peut pas admettre chez soi-même. Mais, justement, c'est important dans cette logique-là, surtout à l'époque de Lumière, il y a donc cette nouvelle idéologie qui s'est mise encore en place. Donc ce n'est pas qu'on rejette simplement dehors quelque chose qu'on a depuis toujours chez soi. C'est encore créé, donc cette espèce de mécanisme de séparation. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. C'est au moment où l'être... donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire effectivement, nous nous trouvons déjà avec une mentalité de travail. Et si nous ne pouvons pas admettre, nous n'avons pas toujours envie de travailler, nous projetons la paresse sur d'autres. Mais à cette époque-là, c'était encore un peu différent parce que quelque chose comme la mentalité du travail, cette définition de l'être humain comme travailler, était encore en train de se mettre en place. Donc c'est presque encore plus grave chez des penseurs comme Kant, qui encore définissent, qui contribuent à donner cette définition de l'être humain, donc qui laisse une bonne partie dehors. Qui justement, donc plus elle est dehors, plus elle prend une forme menaçante. Autre exemple, justement, donc le racisme, l'antisémitisme sont les exemples classiques. L'autre exemple classique, c'est le clivage, évidemment, entre l'homme et la femme, qui, en se greffant sur, évidemment, une dichotomie de sexe plus ancienne, prend quand même à l'époque de Lumière une forme nouvelle, où vraiment, donc maintenant, le nouveau sujet, donc défini, donc, d'abord comme travailleur, mais aussi comme soldat. Rappelons-nous aussi, donc après, c'est après la Lumière qui retourne, après 5 siècles d'interruption, retour aussi le citoyen soldat. Donc pratiquement chaque homme est censé être un soldat au service de sa patrie. Et avec la levée en masse de la Révolution française. Et donc il apparaît quand même aussi la figure évidemment du citoyen qui participe aux affaires publiques et qui vote, etc. Donc toutes ces figures, au moment au début, sont explicitement des figures masculines. Donc le nouveau sujet naît très clairement comme un sujet masculin et est toujours défini justement en expulsion. Donc tout ce qui ne lui est pas permis d'être, ce que ne veut pas être, de le projeter sur le femme, par exemple, tout ce qui, par exemple, qui est des domaines de la, par exemple, de la passivité ou de la peur d'un côté. Et donc l'homme, et donc, je pense même dans la Marseillaise, c'est explicite, non, l'homme, donc il doit, qu'il se rappelle le texte, il doit défendre son épouse et ses enfants, non, donc contre l'invasion de l'étranger. Donc, il existait évidemment même avant une dichotomie de sexe, mais par exemple dans un régime féodal ou monarchique patriarcal, de certaine manière, par exemple, presque toutes les personnes sont dans un rapport, si on veut par exemple, de soumission, de passivité par rapport au souverain. Donc elles sont, d'une certaine manière, on pourrait presque dire, elles sont presque tous des femmes, on pourrait dire, certainement par rapport au souverain. Autrement dit, c'est différent, par exemple, justement dans la définition moderne de citoyenne, donc une partie, c'est-à-dire la moitié des êtres humains, maintenant, sont dans un rapport beaucoup plus actif, parce qu'ils ne sont plus soumis à une loi. En même temps, donc, cette partie de passivité, maintenant, est complètement projetée, par exemple, dans ces cas, sur les femmes. Cela est aussi thématisé dans la critique de la valeur, plus spécifiquement sous le nom de théorie de la valeur scission ou valeur clivage. C'est par exemple certains d'entre vous le texte de Roswitha Scholz et d'autres que nous sommes aussi en train de traduire. C'est clivage parce que ça veut dire que la logique de la valeur se base sur une. Je pense que nous l'avons déjà dit, mais je le répète encore, c'est une espèce de scission ou de clivage, parce que ce n'est pas toute activité qui peut être organisée sous forme de travail, qui peut être un travail abstrait. Donc cela est essentiellement au moment dans cette première phase laissée essentiellement et aux hommes. Et toutes les autres activités sont laissées aux femmes. Ils ont de certaines manières, dans la forme plus typique, le rôle de la femme est justement de préparer le travailleur pour pouvoir dépenser son énergie pour le travail abstrait. Mais évidemment, toute cette autre partie des activités qui est traditionnellement laissée ou aux femmes, ou je dirais au moins à cette première phase, même à des hommes, donc le statut était assez proche de femmes, c'était des domestiques, des laquais, etc. Donc toute cette partie-là fait partie de la société de la valeur, mais évidemment, mais n'est pas une production de la valeur, donc fait partie dans un rôle subordonné. Alors je pense que nous en avons déjà parlé plusieurs fois ici, donc je ne vais pas le répéter. Mais il est important justement de savoir jusqu'à quel point on sait. Cela aussi se met essentiellement en place dans la, à l'époque de Lumière, justement, où donc cette définition justement du sujet comme un travailleur, un citoyen, un soldat, donc devient une réalité de masse, sort aussi de tête des philosophes pour se concrétiser, et reste au moins très longtemps défini explicitement dans des termes. Dans des termes d'une dichotomie entre homme et femme. Je répète, cela ne veut pas dire qu'il n'existait évidemment pas une soumission de la femme même dans notre société, mais je pense on ne peut pas comprendre la particularité de la société de la valeur si on regarde tout de suite ce qu'elle a en commun avec d'autres sociétés précédentes. Il faut d'abord voir justement la divergence, de même que le fait. Évidemment, la société capitaliste est une société d'exploitation, mais ce n'est pas là sa particularité, parce que les autres sociétés l'étaient également. Donc, pour comprendre la particularité de la société moderne, justement, il faut voir en quoi l'exploitation de la production matérielle, justement, dans le capitalisme, justement, est différent par rapport au rapport d'appropriation directe, par exemple, dans l'esclavage ou dans une société basée sur le servage. C'est à peu près clair jusqu'ici. D'ailleurs, on l'a dit, donc, j'avais d'ailleurs déjà l'autre fois lu une citation de Kant, non, où il dit que parmi les conditions évidentes, c'est tellement évident qu'il ne les mentionne dans une entre parenthèses, pour être citoyenne, c'est le fait d'être ni femme ni enfant. Donc, c'est évidemment pour Kant évident que le sujet ne peut être évidemment mâle, blanc et adulte et occidental. Et j'avais déjà dit, moi je le répète, là on peut avoir deux opinions. L'opinion aujourd'hui largement prévaut, sur la gauche c'était dit, ah oui, c'était des concessions à l'esprit de l'époque, mais après on a eu toute une longue bataille de lutte pour l'émancipation qui a étendu le statut du sujet à des catégories toujours plus vastes de la population, aux femmes, aux non-blancs, aux non-occidentaux, etc. Aujourd'hui tout le monde peut être un sujet. Justement, la critique que j'ai reçue ici est différente. On dit que cette forme sujet, donc telle qu'elle a été proposée par Kant, est toujours nécessairement basée sur une logique d'exclusion. Simplement que l'identification des porteurs empiriques de cette logique du sujet, effectivement, peut être aujourd'hui plus flexible que, par exemple, qu'au XVIIIe siècle. Donc ça veut dire que aussi une partie de, justement des gens qui ne sont ni blancs, ni hommes, ni occidentaux peuvent y rentrer, mais seulement à condition d'avoir complètement absorbé, incarné exactement cette logique qui au début était exactement la logique du sujet blanc occidental, etc. Nous l'avons dit plusieurs fois, justement, le domestique, classiquement, était celui qui ne travaillait jamais lorsqu'il n'était pas surveillé ou le serf. Justement, on a pu le émanciper, on a pu le faire devenir un salarié libre et une citoyenne qui vote, etc. Justement, au moment où on pouvait être à peu près sûr qu'il n'aurait plus fait un mauvais usage, entre guillemets, de sa liberté, parce que maintenant, il avait complètement intériorisé ses nécessités. Alors, pour quoi finir, justement, quelques phrases sur la morale de Kant. Alors, tant que la volonté reste dans la sphère de la raison pure, elle est toute puissante et non soumise à des conditionnements externes. Ce qui est évident. Mais dès que la raison veut devenir pratique, elle rencontre la même hétéronomie que dans la nature, c'est-à-dire elle rencontre des obstacles. Et pour Kant, le fait d'être conditionné par le monde extérieur au sujet incompatible avec la liberté. Voilà pourquoi, effectivement, on peut voir dans la philosophie kantienne déjà une forte précurseur du narcissisme moderne. Donc le monde, là c'est très typiquement narcissisme qu'on veut voir, le monde extérieur, donc n'est pas quelque chose au contact duquel nous nous enrichissons, pour Kant, mais au contraire, c'est quelque chose qui limite notre liberté. pratiquement le fait, par exemple, de vouloir quelque chose de concret, par exemple, nous avons faim, et donc c'est une libération de notre liberté, parce que nous ne sommes plus libres de vouloir ce que nous voulons, parce que nous sommes obligés de vouloir manger, par exemple, dans la philosophie chrétienne. Donc c'est déjà une forme de contrainte. La volonté pure, pour Kant, ne doit rien désirer de concret, parce que le faire signifierait de dépendre de cet objet, et donc du coup on ne serait plus libre. La faculté de désirer, comme l'appelle Kant, apparaît comme un esclavage, comme une soumission à l'hétéronomie des lois naturelles qui démotive douloureusement la toute-puissance que le sujet s'est vu attribuer dans la sphère de la raison pure. Et voilà, justement, de même que pour anticiper, de même que dans, effectivement, le narcissique d'une personne qui veut garder son illusion, l'illusion du nouveau-né, son espèce de toute-puissance de ses pensées, certaines manières également, la philosophie kantienne reste dans cette idée qu'en vérité, la seule forme de liberté est une toute puissance, on est limité par rien. Évidemment, cela ne peut jamais être le cas dans le monde concret et sensible, mais c'est dans le monde de la volonté qu'on peut avoir cette espèce de toute puissance. Ben, évidemment, au prix de ne rien désirer de concret, mais de le désirer, comme nous allons voir, d'obéir pratiquement aux lois morales. Donc c'est pratiquement la seule liberté donc, où l'être humain est sûr de ne obéir qu'à soi-même, et donc c'est la fameuse autonomie cherchée par Kant. Parce que du point de vue de ce que Kant même appelle la faculté supérieure de désirer, nul objet n'est jamais digne du sujet. Et les objets qu'on peut même quand même désirer ne sont que de simples substituts, sont sans importance en tant que tels, de ce que la volonté doit chercher pour être pure. Désirer vraiment quelque chose, même, on ne parle pas seulement des biens matériels, même désirer vraiment la santé, la gloire, la richesse, signifierait pour Kant finalement en dépendre, et la volonté ne serait donc plus libre. Si je désire avoir la santé, donc je ne suis déjà plus libre parce que je désire quelque chose qui peut aussi se dérober à ma volonté, par exemple je peux aussi ne pas avoir la santé. Et donc ce serait déjà une espèce de limitation de ma volonté. Donc ce sujet contient vit toute dépendance vis-à-vis d'autres hommes ou de la nature comme une négation totale de son autonomie. Il est vrai que Kant, de manière d'ailleurs assez prudente, on tire en effet quelques idées qui peuvent nous paraître aussi démocratiques, par exemple évidemment même toute dépendance par rapport évidemment à la religion institutionnalisée ou par rapport au pouvoir, effectivement est vue par Kant d'une manière critique, et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de penseurs plus ou moins à gauche veulent se revendiquer aussi de Kant comme un penseur de la démocratie. Mais en vérité, à part le fait que cette démocratie politique reste très vague chez Kant, bah, surtout en vérité l'autonomie, la liberté auquel Kant pense a très peu à voir avec la politique. C'est vraiment une liberté totale, c'est totalement vide, juste comme je l'ai dit. Donc c'est une liberté par rapport aussi à tout ce qui peut venir au-delà justement de cette espèce de la pure pensée, de la pure volonté. Donc la vraie liberté, même sa seule forme possible pour Kant, ce serait la obéissance volontaire aux lois, et surtout à la loi morale en tant que telle, à sa pure forme. C'est le fameux impératif catégorique. Donc la formulation la plus connue, c'est « Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Donc c'est la fameuse impératif catégorique qui, de certaines manières, se ramène un peu aussi à la sagesse populaire, ne fais pas aux autres ce que donc tu ne veux pas qu'on le fasse à toi. Et donc respecter cette loi, donc ne doit donner aucun plaisir au Kant, donc il faut respecter la loi, justement respecter la loi en tant que loi. Et il dit explicitement que tout respect pour une personne n'est proprement que respect pour la loi. Donc si moi, par exemple, donc je ne te donne pas de gifles, ce n'est pas par amour de toi, mais simplement parce que je respecte la loi qui me défend de donner des gifles, parce que si je voulais te donner des gifles, je devrais admettre que toi aussi, tu as le droit de me donner des gifles, étant donné que je ne le veux pas. Donc je respecte cette loi, de certaine manière, même en dernière instance, même pour un intérêt égoïste. Et d'ailleurs, on avait vite fait, donc déjà Hegel avait fait, et même d'autres avant, de critiquer les apories auxquelles amène cette idée, parce qu'il suffit effectivement. Parce qu'il n'y a aucun contenu, donc il suffit, donc on respecte la volonté, une espèce de respect réciproque de la volonté. Afin que cette zone de loi morale soit respectée. Et justement, le même auteur que j'ai mis en bibliographie, de Crise Scalan-Svedel, a fait un petit article Kant et le cannibale, sur un cas particulièrement extrême, mais quand même assez curieux, sur lequel d'ailleurs s'est aussi penché Jean-Claude Michéan dans un de ses livres. Qu'on a eu plusieurs cas, le cas le plus éclatant, je crois, en Allemagne, d'un cannibalisme volontaire, donc une personne qui s'est fait tuer pour une autre personne, s'est fait manger. J'espère de ne pas vous choquer en vous rappelant ce fait. Et donc, on l'a amené, donc le bourreau, on l'a amené en prison, mais il est assez difficile, selon la législation actuelle, de le condamner, parce qu'il a respecté, parce que l'autre personne avait même donné par écrit son consentement avant. Et donc, dans une perspective d'une loi effectivement purement formelle, donc il n'a pratiquement aucune raison de empêcher aux gens de se faire tuer, même manger par quelqu'un d'autre. Donc, on peut effectivement dire que même dans une optique libérale, donc chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut, de dire qu'il vaut, par exemple, se faire manger, c'est pas bien, de se léguer son corps, par exemple, à la médecine pour les expériences médicales, c'est bien. On peut dire que cela, ce sont des restes d'une morale, donc d'une morale traditionnelle, que finalement, donc, on n'est pas obligé à respecter, que sur le plan d'une égalité des personnes et de leur tendance, de leur volonté devant la loi. Donc, par exemple, il est très difficile d'empêcher ce genre de comportement. Donc, on a posé, évidemment, c'est du cadre extrême, hein, que tout le cas extrême dit beaucoup aussi sur la normalité. Et on a trouvé que c'est une faille dans le système juridique actuel. Mais on peut également dire que justement, selon le système qu'on tient, il suffit donc de respecter la pure volonté formelle de l'autre, parce que d'une certaine manière, tout est permis. Donc il n'y a donc pas une espèce d'idée d'un bien et d'un mal en tant que tel. Et ce qui, évidemment, donc cette espèce de pur formalisme, évidemment, après se retrouve toujours dans un jeu de miroir avec, évidemment, toute forme de conception purement traditionnelle ou religieuse des valeurs qui, évidemment, dit non, il ne faut pas arriver à ça, donc il faut défendre la tradition, il faut défendre les valeurs religieuses. Et comme ça arrive souvent dans le débat public, ce sont deux choses, d'une certaine manière, qui restent unilatérales et qui restent toujours un peu un miroir. Donc, c'est aussi un peu le thème, par exemple, le frère Karamazov de Dostoïevski, non ? Donc cette thématique, donc la dissolution de la morale traditionnelle, donc suscite comme contre-réaction une réaction des types religieux ou traditionnels, de dire, alors si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Donc ce qui fait qu'on reste souvent donc, figé dans cette espèce de fausse opposition. Donc la morale kantienne donc, ne se préoccupe pas des hommes réels, mais seulement des lois générales. La personne n'existe que comme représentant de la loi. Donc je dis, si je dois respecter une personne, ce n'est pas un respect, ce n'est pas une question d'empathie, ce n'est pas une espèce de sympathie par l'autre. Je respecte l'autre simplement parce que c'est une espèce de spécimen de l'être humain protégé par la loi. Et donc le concret, l'être concret, ici n'existe que comme représentant de l'abstrait. Et donc c'est la même logique d'une personne qui est dans la société marchande, où par exemple justement la valeur d'usage pratiquement n'est que pratiquement une espèce de concrétisation plus ou moins casuelle de la valeur marchande. Donc il est même facile, on l'avait déjà fait à l'époque, de critiquer ou ridiculiser cette morale kantienne. Mais il y a quelque chose de vraiment sinistre dans les préceptes d'obéir à la simple forme de la loi, à sa majesté, à la légalité en tant que telle, sans regard au contenu de ce loi. C'est d'ailleurs aussi, on l'a bien vu au XXe siècle, le problème évidemment de beaucoup de nazis aussi, qui évidemment se sont toujours justifiés qu'ils n'avaient fait que obéir à des lois qui étaient évidemment qui respectaient la légalité en vigueur en ce moment-là dans les pays. Donc quand conçoit ce loi comme vide de tout contenu particulier, en plus ce n'est même pas vrai, en vérité il introduit beaucoup de contenus concrets, mais pratiquement ils les ont introduit donc d'une manière indirecte et secrète, comme par exemple un des exemples de contes les plus connus, c'est l'exemple du dépôt. Donc il dit donc, si quelqu'un me fait un dépôt d'argent pour ses héritiers, et donc finalement cette personne meurt et aucun héritier ne se présente jamais, est-ce que j'ai le droit de m'approprier de ce dépôt ou pas? Et quand il dit non, je n'ai pas le droit de le faire, parce que si je le fais, ça veut dire que je ne respecte pas l'idée même du dépôt, et donc si moi je ne respecte pas pour moi, donc je dois nier l'idée même du dépôt. Et là aussi déjà le jeune Hegel avait comme critiqué donc que cette preuve que Kant trouvait irréfutable, d'une certaine manière présupposait déjà le titre de la propriété privée. Par exemple, il suffit de ne pas créer, de ne pas accepter de la propriété privée afin que cette preuve perde toute validité. Donc ici, comme ailleurs, donc, il y a un double problème. D'ailleurs, donc, il y a une espèce de formalisme dans cet universalisme. Et après, finalement, on y fait même rentrer des contenus, c'est-à-dire ce monde empirique qu'on cherche de chasser avec ce raisonnement universaliste, rentre toujours par la fenêtre. C'est un peu la même chose comme la jolie phrase d'Anatole France, lorsqu'il dit que la loi défend avec la même majesté aux riches et aux pauvres de dormir sous le pont. C'est exactement l'exemple d'une phrase apparemment universelle, mais évidemment, il y avait évidemment déjà un contenu présupposé. Alors, ce que, en plus, tout ce que Kant appelle la faculté inférieure de désirer, c'est-à-dire toute forme de sensibilité, donc tout désir matériel, est évidemment tenu pour une espèce d'ennemi, il doit être réprimé le plus sévèrement possible. Comme je l'avais déjà dit, quand même, et ces anecdotes ne sont jamais sans signification, quand même on donnait le bon exemple, on aimait le café, elle se concédait presque jamais, et il s'est gâché aussi la vie avec mille autres petites manies masochistes qu'il appelait des exercices de vertu. Donc évidemment des preuves de volonté qui évidemment qui ont suite aussi, je pense, sont assez généralisés, surtout je pense en Allemagne au 19e siècle, pour devenir une espèce, évidemment, une espèce de lutte continuelle contre ces inclinaisons naturelles qui, évidemment, est très utile, par exemple, dans une société basée, évidemment, sur le travail et sur la guerre, où pratiquement tous nos désirs spontanés sont toujours... une expression allemande qui on dit pratiquement le cochon intérieur, donc c'est quelque chose qui fait évidemment qui toujours retourne une espèce de faiblesse qui évidemment qu'on doit toujours combattre, évidemment c'est la faiblesse qui évidemment ne nous vaut pas, évidemment veut nous empêcher de nous lever tous les matins, mais veut nous empêcher d'aller en première rang dans la bataille. Probablement c'est aussi l'Allemagne, je pense, qui peut-être que tout plus que tout autre pays a développé cette espèce d'exercice de vertu. Mais justement, c'est aussi être le thème de quelques séances ici, justement, ce qui est important de voir quand même le développement de la société narcissique, parce que dans les dernières décennies, apparemment, nous avons juste assisté à une espèce de renversement total, donc toute cette forme de incitation permanente à se réprimer, à se contrôler, à se discipliner, pour tous les exercices de vertu sont disparu avec une rapidité étonnante. Et donc apparemment, maintenant, au contraire, les discours dominants et tout le contraire, c'est tout le temps, amusez-vous, donc jouissez de la vie, donc faites tout ce que vous voulez. Mais, et justement, il y a beaucoup d'observateurs, d'une certaine manière, qui s'y trompent, qui pensent que cela est vraiment une forme de liberté conquise, et il faut encore chasser le dernier reste d'oppression qui encore résiste. Tandis que d'autres observateurs, dont nous parlons ici, je pense plus avisés, comprennent que cela n'est pratiquement qu'une autre forme, si on veut, de hétéronomie des individus, mais que maintenant, d'une certaine manière, est encore plus difficile à traquer, parce que maintenant, elle ne se présente plus justement comme une force extérieure oppressive, mais tout au contraire, elle se présente maintenant comme une espèce d'ami qui veut simplement... nous aider à gérer le mieux notre vie. Justement, petit exemple, avant l'école était comme ouvertement répressive et donc et briser beaucoup les existences, mais créer aussi des rebelles et aider aussi des personnes parfois à se définir en opposition au système scolaire. Aujourd'hui, en général, l'école se présente comme une espèce d'amis des enfants qui veulent simplement les aider à épanouir leur personnalité. En réalité, qu'elle aide les enfants à développer au mieux leurs talents que leur permettent de se imposer dans la concurrence universalisée. Parce qu'évidemment, c'est la plus grande faveur, entre guillemets, qu'on peut faire aujourd'hui à un enfant, c'est de lui permettre de ne pas être écrasé dans la concurrence. Mais cela, justement, est maintenant laissé certainement à l'initiative des individus. Donc, ils sont aussi libres, évidemment, de ne pas participer à cela, mais avec toutes les conséquences que cela peut comporter. Donc cela fait donc aussi partie de la intériorisation toujours plus poussée des contraintes sociales. Donc, c'est surtout visible évidemment dans le phénomène de la concurrence qui n'est plus du tout vécu comme quelque chose d'extérieur. Au contraire, c'est quelque chose que vu comme une forme de bien gérer sa vie, ou déjà le terme gérer sa vie, ou gérer son couple, gérer sa vie affective, etc. sont déjà des termes très significative et directement prise évidemment de la réalité économique. Alors pour terminer encore avec Kant, Kant, d'une certaine manière, c'est l'idéal suprême de l'éthique kantienne, c'est donc de se rendre indépendant donc, du monde sensible, d'être au-dessus de tout besoin et désir, pour jouir d'une espèce de calme total. Kant dit en effet qu'une tranquillité intérieure est l'effet d'un respect pour quelque chose qui est tout à fait autre que la vie, c'est parce que c'est le respect pour la loi morale, et auprès duquel, au contraire, en comparaison avec une opposition, la vie avec tout son charme n'a aucune valeur. Chaque homme ne vit plus que par devoir, non parce qu'il trouve le monde agréable à vivre. Tel est le véritable mobile de la raison pure pratique. Il n'est autre que la pure loi morale elle-même, en tant qu'elle nous fait sentir la sublimité de notre propre existence suprasensible. Parce que, évidemment, c'est peut-être pas parmi les phrases les plus citées de Kant par ses admirateurs, où il recommande pratiquement une espèce d'exercice, où pratiquement on se libère justement de tout ce qui... de tout ce qui peut rendre la vie agréable, pour arriver justement à une espèce de calme intérieur par rapport auquel, comme dit, la vie avec tout son charme n'a aucune valeur. Donc respecter donc, la loi morale donne, selon Kant, une espèce de satisfaction qui est bien supérieure au fait même de vivre. Et alors, on peut quand même trouver... on va revenir sur ce sujet plus tard, que cette espèce de calme total présente des ressemblances avec la pulsion de mort que Freud définit comme la tentative de retourner au calme anorganique de la mort qui a précédé la vie. En plaçant la liberté humaine dans la distance envers toute sensibilité, la formulation de Kant constitue l'apogée de la longue lutte pour séparer le sujet d'avec le monde sensible empirique et pour en faire justement le sujet transcendantal, radicalement distinct du sujet empirique. Le sujet automate qui, selon Marx, régit la société fétichiste, du capital n'est alors pas du tout une négation du sujet automate de Kant, mais plutôt son accomplissement. Donc ce sujet automate de Kant, donc, avec son indifférence pour le monde entier et pour soi-même, de certaine manière, en vérité, est déjà un sujet assez automate et pas du tout un sujet autonome en un sens de émancipé. Et donc, lorsqu'on parle aussi de la décomposition de la société de la valeur, on va reprendre aussi le thème difficile de la pulsion de mort dont parle Freud, qui Freud donne une définition plutôt biologique et de toute manière assez mystérieuse. Mais on peut effectivement trouver que cette espèce de calme, de calme plat, cette espèce d'absence de tension, cette espèce de vide intérieur que Freud attribue à la pulsion des morts, effectivement, est déjà, effectivement, selon Kant, donc, le véritable but de l'existence humaine. Et là, donc, et dans la manière que le sujet que décrit Kant en termes positifs, une espèce de prévision, de préfiguration du sujet capitaliste dans sa forme, dans sa forme développée, on peut dire, d'une certaine manière, que la vérité plus profonde, la vérité cachée du sujet capitaliste, du sujet de la valeur, n'est pas du tout un sujet que veut jouir, un sujet que veut conquérir le monde, qui veut avoir une jouissance matérielle, mais au contraire, à un niveau plus profond, c'est un sujet complètement vide qui, en vérité, n'est réussi à jouir de rien parce que, de certaine manière, il a fait mourir en lui-même tous les organes, tous les canaux que nous permettraient de retirer une véritable jouissance du monde. Et là, justement, on retourne encore à la thématique du narcissisme au sens psychoanalytique, donc une personne qui reste, d'une certaine manière, prisonnier dans son propre moi, qui ne peut vraiment établir avec le monde extérieur des véritables relations objectal, comme on dit dans le jargon psychoanalytique. Mais, comme je dis bien, de certaine manière, Kant, évidemment, a déjà, de certaine manière, involontaire, décrit cette espèce de mortification de son propre intérieur. Donc, le sujet kantien n'est donc pas simplement la création d'un philosophe particulier, si important fut-il, mais est la représentation philosophique d'un fait réel. L'autonomie présumée du sujet kantien est en vérité acquise au prix d'une douloureuse intériorisation des contraintes du capitalisme naissant. Elle se défoule dans le mépris pour tout ce qui se trouve hors du sujet et dans la haine vers tout ce que le sujet a dû expulser de lui-même et projeter sur d'autres, nous l'avons déjà dit. À la fin, cette haine peut aussi devenir haine de soi-même, envers soi-même. Le résultat extrême de la forme sujet que Kant a si bien décrite est la pulsion des morts, le désir d'en finir avec le monde qui n'est procure au sujet, qu'une alternance de sentiments d'impuissance et de toute puissance. C'est justement ce type de narcissiste. D'un côté, il veut maintenir une espèce de toute puissance imaginaire qu'il avait connue dans sa toute première enfance. Et après, le contact avec le monde réel sont si décevants qu'évidemment que ça le rejette toujours dans une situation d'une impuissance totale. Et cela, justement, dans la société capitaliste, n'est pas seulement un problème individuel, mais disons aussi un phénomène social, où justement, donc là, aussi l'idée de toute puissance, qui en plus est stimulée, par exemple, aussi par la technologie, donc après, bute toujours contre l'impossibilité pour le sujet de modifier le moindre détail de sa vie, et peut finalement porter une espèce d'oscillation continuelle, donc qui, dans certains cas, peuvent justement avoir des aboutissements tragiques. Justement, on va consacrer une notion justement au phénomène des massacres dans les écoles, de tout leur fou, et aussi les expliquer justement comme une espèce de résolution dramatique. Ce sont toujours des personnes qui étaient des personnes absolument normales, donc qui vivaient justement une vie de la impuissance ordinaire, qui vivaient en général, presque sans exception, ces tours dans les écoles ont joué extensivement à des jeux vidéo violents, donc évidemment qui stimulent une sensation de toute puissance, qui évidemment après fait encore plus douloureusement ressentir la impuissance réelle, qui finalement créer le désir de côté, à passer une fois au moins pour 10 minutes vraiment à la toute puissance totale, suprême, c'est-à-dire d'être le maître de la vie et de la mort des autres, et presque toujours dans ce tour, ce qu'on appelle le tour fou, finissent par se suicider parce qu'évidemment pour finir avec justement avec cette existence qui de toute manière est pour eux complètement vide. Évidemment, je ne veux pas dire que Kant a recommandé ce genre de comportement, mais on peut quand même y créer une lien. Donc justement, cette espèce de mortification de l'intériorité, cette obéissance à des lois vides et cet renoncement, même cette espèce de mépris pour tout plaisir dans la vie, et qu'on trouve par exemple chez Kant, de certaine manière, porte quand même peu à peu finalement justement à ces situations modernes également consacrées par une vide, une vide intérieure. Alors, je vois là, d'ailleurs, quand je vous lis des passages, je vous lis des passages que, quand même, c'est toujours moi qui les ai écrits, donc une vue de livre que j'espère de consacrer à cette thématique, donc je ne vous lis pas les textes écrits par d'autres. Et je vais, même si dans ces cas-là, comme je dis, je me suis beaucoup appuyé sur certains écrits et articles publiés il y a quelques années dans la revue Crisis qui sont cités dans la bibliographie. Et je vais encore ajouter cette petite observation en marge, justement, donc à la même époque que Kant, c'était les débuts de l'industrialisation en Angleterre, qui allait de pair avec l'émergence de toute une génération de poètes qui ont développé une nouvelle sensibilité pour la beauté, la nature et l'irrationnel, de William Blake à Thomas de Quincey. Et surtout Thomas de Quincey, donc, est une figure vraiment très moderne, parce qu'il exprimait la double nature de ce sujet moderne. D'un côté, il y a une rationalité extrême, il y a une grande culture classique, des études d'économie politique, une grande lucidité, parce que c'était aussi donc un important économe et un grand écrivain de Quincey. De l'autre côté, il y avait la toxicomanie, parce que évidemment, son livre le plus connu, ce sont les confessions du mangeur d'opium anglais, traduit par Baudelaire. Un esprit ravagé, une vie désordonnée, une indifférence à sa famille, et dormir d'autres choses, sa femme s'est suicidée. Et une des tendances autodestructrices et un néronisme, c'est-à-dire une admiration de cette mode esthétique pour la destruction. Et justement, donc ce n'est pas un cas que de Quincey, c'est un admirateur de Kant, qui, un de ses livres s'appelle « Le dernier jour d'Emmanuel Kant ». Et en même temps, il a écrit « L'assassinat considéré comme un des beaux-arts ». Donc justement, on trouve exactement cette double nature du sujet moderne, donc avec une rationalité hypertrophique, et de l'autre côté, un clivage donc, où tout ce qui n'est pas, il ne peut pas admettre chez lui-même, donc c'est manière, est projeté vers l'extérieur, donc par exemple vers une espèce d'esthétisation de la, dans ce cas du crime. C'est divisé dans une part lucide qui observe froidement le rêve le plus fou et le plus terrifiant de l'autre, et donc sans intégration de ces deux moitiés, correspondent effectivement à une scission très moderne. Dans un de ses essais, Robert Kurz cite un autre exemple plus contemporain de la même scission. Il parle d'un film que moi je n'ai pas vu, peut-être que quelqu'un l'a vu, qui s'appelle Hannibal Lecter, qui se base bon, sur la même publicité. Dans une personne, une amateur de musique, peut-être que tu l'as vu, une grande connaisseur de musique, personne raffinée, mais de l'autre côté, un répétitiviste qui est aussi cannibale. Donc on retourne avec le thème du cannibale. Et donc, dès que, par exemple, le directeur d'orchestre lui déplaît, donc il le séquestre, il le mange. Donc là aussi, donc, nous avons, d'une certaine manière, un autre exemple extrême de cette espèce de clivage total dans le sujet moderne. Et justement, alors cette histoire donc, grotesque porte aussi à l'autre volet auquel je voulais consacrer quelques minutes. C'est une auteure donc, contemporain de Kant, et apparemment tout à fait différent et quand même secrètement très, très proche, et c'est le Marquis de Sade. Alors là, je vais être bref aussi parce que j'ai déjà publié un article sur le sujet que vous pouvez trouver, je pense, sur Internet. Et, alors, évidemment, ça, c'est de retour, donc tout le monde a entendu parler, que maintenant considéré une grande écrivain français, publié dans la Pléiade et tout. Je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui l'ont effectivement lu. De toute manière, on se trompe totalement si on imagine Kant comme quelqu'un qui parle en faveur d'une espèce d'épanouissement total de toute forme de sexualité, même les plus, plus étranges. Hein? Ça, tu dis Kant. Non, on est bien passé à Sade, oui. Je ne sais pas quand. Alors, on s'imagine d'une certaine manière donc facilement Sade sort comme une espèce d'apôtre de la liberté humaine, comme un auteur érotique, comme quelqu'un de décrit, comme une espèce de déclenchement de toutes les passions humaines. Certes, on s'y trompe, au moins de la manière qu'il suffit de le lire pour voir. Donc il y a une description totalement, si on veut, mécanique, donc évidemment de ce qu'il décrit. Donc tous les actes, toutes les orgies, donc il décrit dans les détails. Et sont pratiquement le fonctionnement d'une machine, comme il le dit lui-même, où les êtres humains doivent pratiquement exécuter un programme exactement avec la même froideur, même avec la même absence de plaisir qu'il compte effectivement prévoir pour l'obéissance à la loi morale. Et d'ailleurs, cela a été observé par exemple, par Horkheimer et Adorno dans un chapitre consacré à ça dans la dialectique de la raison publié en 1947. Cela a été observé quelques années plus tard par Simone de Beauvoir et d'une manière évidemment assez rétorque et bizarre par Jacques Lacan et par d'autres. Par exemple, une certaine Claire Marga, par exemple, écrit dans un article qui s'appelle « Une horrible liberté ». Il dit « L'éthique de Sade dépasse radicalement toute forme d'hédonisme. Toute sensibilité se doit d'être soumise et non pas déchaînée. Et la sensualité doit être entièrement livrée aux directives de la raison et à l'empire de la volonté. » Donc, c'est exactement les deux volets du sujet moderne, raison et volonté, et pas du tout sensualité. Tirer Sade vers le stoïcisme ou vers Kant, le rallie du côté de la raison aux exigences d'une philosophie sévère qui ne peut pas faire du plaisir un principe. Donc il ne faut surtout pas s'amuser dans le monde de Sade. Et Simone de Beauvoir disait, par une sévérité analogue à celle de Kant et qui a sa source dans une même tradition puritaine, Sade ne conçoit l'acte libre qui est dégagé de toute sensibilité. S'il obéissait à des motifs affectifs, il ferait encore de nous les esclaves de la nature et non des sujets autonomes. Donc c'est vraiment une observation, je pense, très profonde. Justement, on peut vraiment dire que Kant et Sade sont, d'une certaine manière, des jumeaux ennemis. Donc ils représentent pratiquement les deux côtés de la raison de lumière, évidemment côté jour et côté nuit, côté rue et côté cour, bah, qui, d'une certaine manière, ne sont pas du tout opposés, mais, d'une certaine manière... Donc, ils veulent tous les deux des sujets autonomes et pas esclaves de la nature, comme dit les Beauvoir, donc des sujets donc, pratiquement qui sont surtout dégagés de tout un rapport concret avec la nature, avec leur propre nature intérieure, qui sont donc complètement dégagés de empathie et qui pratiquement obéissent à des lois abstraites qu'ils trouvent déjà écrites hors de leur existence individuelle. À part le fait, même c'est intéressant que vous savez donc dans le roman de Sade, il y a beaucoup de digressions sur d'autres sujets, parfois d'ailleurs fort intéressants, où d'ailleurs Sade se fait une défenseur du capitalisme, même dans sa forme libéraliste, où il cite d'ailleurs, je crois, il cite même Adam Smith, donc il se place explicitement donc du côté aussi de la liberté dans le domaine économique et contre la limitation féodale. Et en général, Sade comme Kant demande la subordination de toute spontanéité à des lois rigoureuses qui prennent l'allure d'une machine, d'un système qui règle chaque aspect de la vie de l'individu. Le plaisir ne consiste que dans la soumission à une rationalité rigide. Donc, même donc, les orgies qu'il décrit, donc sont toujours, donc il n'y a jamais rien de spontané, ce sont toujours des choses calculées. Il y a toujours une espèce de maître d'ouvrage, comme dans la philosophie, dans le boudoir, c'est là où s'appelle Madame de Saint-Ange, dans le 120 jours de Sodomas, c'est le duc, comme s'appelle, peu importe. Donc il y a toujours donc, une espèce de maître donc, qui donne des lois, donc, qui indique exactement ce qui doit être fait en quel moment, qu'on le veuille ou pas. Et donc cette loi ne s'applique pas seulement aux victimes, mais également donc, à ceux qui sont censés en jouir. Donc le marquis de Sade peut être considéré comme un des fondateurs philosophiques de la modernité capitaliste. Je souligne cela quand même, évidemment, aussi contre les admirateurs de Sade, comme Bataille ou Klossowski, qui ont fait un héros de la liberté, ou comme une espèce de... Évidemment, le fait, en plus qu'évidemment, Sade a passé une grande partie de sa vie en prison, lui a donné une espèce de statut de martyr qui le fait sembler comme une espèce, comme une révolutionnaire, ce qui Sade n'avait aucune intention d'être. Donc, il est un des fondateurs philosophiques de la modernité capitaliste, basé sur la rationalisation de la vie, la guerre économique permanente et la rupture du lien entre l'homme et son monde. Et c'est aussi une des expressions les plus concentrées et les plus cyniques de l'esprit de la modernité capitaliste. Sur ses œuvres chante donc aussi l'absence de bornes, un désir furieux et vide qui se retrouve face à un monde vidé de signification et qui ne peut s'affirmer que dans la destruction, parce qu'il n'existe rien de concret qui puisse assouvir les désirs illimités, exactement comme elle arrive pour la forme marchandise. Donc nous avons souvent dit la forme marchandise, le travail abstrait, ils ne connaissent pas de limites parce qu'il n'a pas de désir à satisfaire, il a simplement qu'à transformer la valeur toujours en plus de valeur. Donc, c'est la véritable différence de la modernité avec d'autres systèmes d'exploitation, de domination, c'est le caractère illimité de la valeur. Exactement la même chose, donc, tandis que traditionnellement, justement, le désir physique et concret sont limités, on ne peut pas ni évidemment manger toute la journée, ni faire l'amour toute la journée. Et justement, dans le monde de ça, il y a une espèce de tentative aussi de n'accepter aucune limite, même dans la dimension, sa dimension physique et corporelle. Donc, et voilà aussi parce que ça termine toujours mal, chez Sade aussi, avec l'assassin de la victime, qui est pratiquement la seule façon de pousser les choses jusqu'à leur dernière limite. Et comme la forme marchandise doit consommer le monde jusqu'au dernier reste pour s'affirmer, par exemple aussi dans la crise écologique, les libertins décrits par Sade doivent consommer leur victime jusqu'à la dernière once de chair pour s'affirmer. Ils se retrouvent face à l'impossibilité de jouir dans un monde dont ils ont eux-mêmes fait préalablement un désert, et face à la nécessité d'augmenter toujours la dose de l'ersatz, toujours insatisfaisant, que leur tient lieu du plaisir. Là aussi, ce n'est pas un hasard que les châteaux, vous savez, les cylindres, donc, où se déroule le 120 journées de Sodome, se trouvent dans une espèce de désert, en haute montagne, donc complètement coupés de tout le reste du monde, de tout le monde réel. Et donc, d'une certaine manière, où les quatre bourreaux s'acharnent sur leurs victimes, à certaines manières, sont vraiment réussis à en tirer une véritable jouissance. Voilà pourquoi elles doivent finalement aussi le faire absolument à pièce et les tuer, parce que d'une certaine manière, ils éprouvent aussi une espèce de rage pour ces objets, donc ils ne réussissent jamais à avoir peut-être une quelconque jouissance réelle. L'extrême égoïsme prêché par Sade à presque chaque page de ses œuvres est exactement ce qui se passe dans une société où le seul lien social réside dans l'échange de marchandises de la part de producteurs isolés. La solitude irrémédiable de l'être humain qui énonce Sade et donc il se complaît, on le souligne souvent, donc chacun pratiquement pour soi et contre tous les autres, n'est pas ontologique éternel, mais c'est quelque chose qui s'est mis en place justement à l'époque de Sade. Donc cette espèce de solitude de l'atome individuel qui déjà ça présente comme une donnée évidente et ontologique, en vérité était quelque chose de nouvel, que de toute manière c'est un peu l'équivalent de ce qu'avait fait Hobbes en philosophie politique. Donc il décrivait comme évidence quelque chose qu'en vérité il était qu'il contribuait lui-même à mettre en place. Donc Sade a sans doute le mérite d'avoir poussé jusqu'au bout les conséquences de ce que Kant a appelé la socialité asociale. C'est un concept très connu chez Kant. Donc justement, il dit que la société, justement, la société asociale, ça veut dire qu'on est ensemble que pour se rendre service, mais pas pour une base d'une véritable communauté. Où les atomes sociaux ne se rencontrent que pour satisfaire leurs besoins selon leur puissance sur le marché. Ça me fait aussi venir à l'esprit la bien connue phrase de, qui aussi passe pour une évidence aujourd'hui, d'Adam Smith, lorsqu'il dit « Ce n'est pas de la bienveillance du boulanger et du boucher que j'attends mon dîner. » Il nous semble une évidence, mais évidemment, là aussi, c'est évidemment le déni de toute forme, de certaine manière d'être ensemble ou d'une véritable communauté avec deux autres. Donc, également, c'est un rapport de pure utilité entre les différentes personnes qui est seulement indirectement, peut-être, si tout marche bien, peut faire de manière que chacun ait son dîner. D'ailleurs, parenthèse, quand même, parfois, elle avait quand même des bons... Non, maintenant je suis une association mentale. Quand même, avait parfois de très bonnes idées. Lorsque, par exemple, il disait, si vous connaissez cette phrase, que le songe, s'il voulait, il pourrait parler, mais ils ne le font pas pour peur qu'on les mette à travailler. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que les biologistes en disent. Voilà. Parfois, donc, il disait des choses qui dépassaient son horizon borné. Ça, c'est bon. C'est pas très puritain, ça. Hein? C'est ouais. Pas très puritain, ça. Alors, donc le monde de Sade, je parle de Sade, le monde de Sade, il n'y a aucun autre, donc ce n'est pas du tout un monde archaïque, mais très moderne. Pour Sade, la jouissance est entière, seulement lorsqu'elle est despotique, sans partage avec l'autre, il dit explicitement, donc pour jouir, donc il faut que l'autre ne jouisse pas. Et donc, c'est le même solipsisme moderne que chez Descartes. Donc là, si on peut faire une lienne. Et Georges Bataille, grand admirateur de Sade, avait raison en affirmant que Sade promettait à chaque lecteur de lui donner la souveraineté complète qui était naguère réservée au roi. Donc, pratiquement, on peut dire ce qu'on reste aujourd'hui, ce que les clients et les lecteurs sont rois. Donc, évidemment, aujourd'hui aussi, on promet à chacun d'être son propre roi. Alors, les désirs que décrit Kant ne sont pas du tout archaïques ou enracinés dans la nature animale de l'homme, comme on dit encore souvent aujourd'hui, mais au contraire, ils naissent précisément à l'époque de Sade. Le désir d'illimiter, la négation narcissique du monde, la rupture de tout lien social, la guerre de tous contre tous, le désir même de voir disparaître l'humanité ou le monde tout entier. Là aussi, donc, exactement comme Kant, Sade aussi exprime une espèce de pulsion de mort. Dans la philosophie, dans les boudoirs, il y a par exemple cette phrase « Aveugle les instruments des inspirations de la nature, nous dicta-t-elle d'embraser l'univers ? Le seul crime serait d'y résister et tous les scélérats de la terre ne sont que les agents de ses caprices. » Et donc, il serait donc une bien pratiquement d'embraser l'univers, c'est-à-dire de détruire le monde entier. Ce serait même une espèce de dictat de la nature auquel il ne faut pas résister. Donc 200 ans avant la bombe atomique, donc bien avant que cela pouvait être mis en pratique, donc ça pensait déjà que la nature même pourrait ordonner à l'homme de mettre à feu l'univers. On trouve justement chez Sade la haine de l'objet, donc parce que la seule existence d'un objet extérieur limite le narcissisme et la toute-puissance du sujet désirant. Sade tire en effet de son athéisme radical une négation de tout genre de limites. Cette absence de limite est d'abord au plan subjectif le projet, déjà bien narcissique, de la réalisation de tous les désirs et même de leur contraire. Un auteur très favorable à Sade, comme Pierre Klossowski, disait en Sade, mon prochain, publié en 1947, disait « Sade témoigne de l'aspiration frénétique à expérimenter toutes les formes de jouissance imaginables, à devenir le sujet capable d'épuiser la totalité des expériences possibles, alors que cette totalité du possible ne se peut attendre jamais et que le possible est en fait impossible à épuiser, donc inépuisable. Bah donc là aussi, on peut quand même bien dire que, de certaine manière, est précurseur du sujet tel qu'il doit exister, donc selon la publicité et donc selon la logique de la consommation, donc de naître donc avec des désirs inépuisables, donc qu'il veut faire tous et le contraire de tous en même temps. On peut donc dire que... Encore Georges Bataille dit assez justement de Sade, « Seule la voracité d'une chienne féroce accomplirait la rage de celui que rien ne limiterait. » Donc justement, donc, il y a un lien qu'on peut faire entre Sade et le sujet moderne, entre le fond sujet moderne d'aujourd'hui, à l'époque du dépassement de toutes les limites. Là aussi, je vous rappelle toujours, il faut vraiment tenir les deux phases. Il y a l'esprit classique du capitalisme qui se base au contraire sur une imposition continuelle des limites. Classiquement, nous allons voir par exemple justement des limites du corps, donc de la rigidité du corps. Donc, le résultat classique, c'était la névrose à l'apogée du capitalisme au début du XXe siècle. Tandis que justement dans un nouvel esprit du capitalisme, qui maintenant a quand même peut-être 40 ans, 50 ans, c'est au contraire, donc c'est une espèce un dépassement au monde apparent de toutes les limites, où les désirs ne sont plus sentis comme une menace pour la société, au contraire, donc on cite les gens de réaliser tous leurs désirs. Et là, justement, donc, ce n'est pas un contraire, ce n'est pas un hasard, c'est dans ces contextes, c'est quelqu'un comme ça, donc encore, vous savez, encore les années 50, lorsque Jean-Jacques Prouvaire a publié les œuvres complètes de Sade, ils ont été séquestrés, et lui, il a été amené au tribunal. Et ça fait encore à peine quelques décennies après, donc il est publié en Pléiade. Bon, je ne sais pas s'il est encore au programme de l'agrégation, déjà au programme de l'agrégation ou du baccalauréat. Je pense que ça ne va pas tarder. De toute manière, ça ne va pas tarder beaucoup. Ça ne va pas, je pense, surprendre personne. Hein. Mais... Il y a certains livres qui ont pu paraître et d'autres qui restaient interdits. Oui. Il y a eu une phase de purgatoire, oui. Les débuts années 60. Et il n'y a qu'à la fin des années 60 oui. Qu'il a été publié. Oui, là aussi, on voit justement quel était le moment du basculement, parce qu'encore, dans un certain sens, ce n'était pas si différent de la situation un siècle avant, lorsque Baudelaire et Flaubert étaient portés à un tribunal pour immoralité. Donc là, évidemment, on a une évolution plus forte dans les derniers 50 ans que dans les siècles avant. Hein. Mais justement, je vais toujours insister sur cet aspect-là, que ce nouvel esprit du capitalisme n'est pas la négation de sa phase antérieure, ce n'est pas le contraire, encore moins c'est une émancipation, une liberté finalement trouvée. C'est simplement l'autre face du même processus, c'est simplement un autre aspect de son noyau, peut-être même l'aspect de certaines manières plus essentiel que de certaines manières qui viennent maintenant. Qui vient maintenant à la lumière. Donc justement, on va revenir plusieurs fois sur cette thématique aussi dans les cours. Et c'est là aussi que moi, disons, la critique de la valeur s'oppose justement à d'autres auteurs que j'ai cités, comme par exemple, comme tous ceux qui, d'une certaine manière, éprouvent une espèce de nostalgie pour le véritable sujet, entre guillemets, qui a régné jusqu'aux années 60. Donc, la perspective que je présente ici, c'est d'époque, donc cette dissolution du sujet, ce qu'on peut aussi appeler la désymbolisation. Donc tout cela, ce n'est pas le contraire, mais une espèce de conséquence logique de ce qui s'était déjà mis en place au plus tard à l'époque de Lumière. Donc Sade a bien anticipé sur certains des traits les plus typiques de la société sans limite, là où, comme on disait un slogan, « Ensemble, tout devient possible ». On peut donc dire aux récents massacres dans les écoles et dans d'autres lieux publics, D'ailleurs, vous avez vu peut-être cela, ça accélère toujours plus aux États-Unis. Maintenant, il se passe presque par semaine sans qu'il arrive une autre. Même si j'ai observé, entre guillemets, il semble que les derniers actes ont été moins sanglants. Souvent, ce n'était que, entre guillemets, 2 ou 3 victimes, que 20 ou 30, probablement, parce que le fait d'imitation pousse probablement toujours plus des amateurs à s'y mettre, donc des gens qui ne se sont pas très bien préparés comme le véritable. Non, parce que le fait d'imitation est très fort. Par exemple, on sait que beaucoup de ces tueurs, donc ils ont étudié souvent dans les détails les actes de leurs prédécesseurs, surtout le premier grand massacre, on s'appelle en 99 aux États-Unis, on s'appelle Columbine. Souvent a été une espèce de modèle pour beaucoup d'autres qui ont étudié la technique et presque toujours avec l'intention de faire plus de victimes, donc une espèce d'aller plus loin dans une espèce de Hall of Fame. Hein. Là aussi, même dans cette espèce de comptabilité macabre, on reste évidemment exactement dans cette espèce de raison froide tellement recommandée par Kant et par Sade. D'ailleurs, Sade, justement, il recommande toujours l'apathie. On dit, il ne faut pas jouir dans ses actes, il faut rester apathique. C'est exactement ce qu'ils font aussi, le tour dans les écoles. Et justement, je voulais aussi, peut-être que je vais terminer, faire voir comment une phrase des batailles qu'il a écrite sur Sade peut bien s'appliquer à ce phénomène contemporain des tueurs dans les écoles auquel nous allons revenir. Bataille, il écrit « À partir du principe de négation qu'introduit Sade, il est étrange d'apercevoir qu'au sommet, la négation illimitée d'autrui est négation de soi. Libre devant les autres, il n'en est pas moins la victime de sa propre souveraineté. La négation des autres à l'extrême devient négation de soi-même. » Voilà pourquoi c'est tout, presque toujours, il se tue à la fin de leurs actes. Dans la violence de ce mouvement, la jouissance personnelle ne compte plus. Seul compte le crime et il n'importe pas d'en être la victime. Il importe seulement que le crime atteigne le sommet du crime. Voilà, il dit, bataille par les sages. Moi, je pense qu'on peut l'appliquer vraiment mot par mot. Donc, justement, à ce phénomène apparemment inexplicable des tueurs dans les écoles ou dans le conseil communal, comme en France. Cette exigence extérieure à l'individu, du moins, place-t-elle au-dessus de l'individu le mouvement qu'il a lui-même mis en branle, qui se détache de lui et le dépasse. Sade ne peut éviter de mettre en jeu par-delà l'égoïsme personnel, un égoïsme en quelque sorte impersonnel. Est-il rien de plus troublant que le passage de l'égoïsme à la volonté d'être consommé à son tour dans les brasiers qu'a allumé l'égoïsme? Ici, le crime, et surtout sur le tueur fou, donc devient un véritable travail. Et si ce suicide n'est pas individuel mais collectif, d'autant mieux. Et là, on peut encore terminer avec une autre phrase de la philosophie dans le boudoir de Sade, où il dit « Savez-vous, Dolmancé, qu'au moyen de ce système, vous allez jusqu'à prouver que l'extinction totale de la race humaine ne serait qu'un service rendu à la nature ?» Et le personnage répond « Qui en doute, madame ?» Je ne peux pas maintenant le prouver, moi je pense que quand même avant ça, personne n'avait jamais exprimé un tel désir d'en finir avec l'humanité en tant que telle, parce qu'elle est trop rebelle au désir de toute puissance de l'individu. Je pense que là, ça avait peut-être exprimé le tout premier cette idée qui évidemment aussi, chez nous, était lié à une espèce d'athéisme et de nihilisme radical. Évidemment, une idée de ce genre était inimaginable aussi il existait une rejet totale du monde, par exemple dans la gnose ou dans la religion cathare. Évidemment, elle s'est exprimée quand même d'une manière radicalement différente. Et justement, pourquoi Breton est-il admiratif de Sade dans tout ce qu'il cite? Bonne question. Alors, en effet, je me suis peut-être même moi, parfois un peu trompé en première lecture en pensant que Bataille en fait vraiment une éloge de Sade. C'est plus compliqué chez Bataille. D'un côté, effectivement, Bataille veut explorer le mal, en vérité c'est son problème, c'est un problème vraiment aussi métaphysique et religieux chez Bataille, il veut comprendre la nature du mal. Effectivement, chez Sade, effectivement, plus d'informations que presque chez tout autre auteur sur la nature du mal, c'est pourquoi ça existe. Qu'est-ce que nous pousse évidemment au mal, à commettre le mal. Après, c'est quand même chez Bataille très ambigu. D'un côté, c'est une enquête, mais de l'autre côté, il reste quand même très fasciné évidemment par tout cet aspect de destruction. Et donc, on le voit aussi, par exemple, dans toute l'œuvre de Bataille, par exemple, dans sa collection de photos de tortures chinoises. Et à part évidemment son côté, peut-être son côté personnel, il y a quand même évidemment chez Bataille l'idée que évidemment la cruauté, le mal, etc. sont une partie de l'existence humaine qui n'est pas simplement due à la société. Donc là, évidemment, c'est totalement le contraire de Rousseau, par exemple. Donc évidemment, il y a une espèce, donc le mal fait partie de notre même cosmique. Je pense que c'est même, je crois que chez Bataille, c'est même lié à une espèce d'exubérance cosmique, donc de certaine manière, le mal, à une espèce d'excès de force qu'il faut, de certaine manière, quelque part, cette énergie certainement, il doit se défouler quelque part, et donc aussi dans le mal. Et que pour Bataille, il dit qu'il faut connaître, étudier évidemment ce mal pour pouvoir aussi le combattre, pour pouvoir le régler, pour se dérober. Même si, en plus, je ne suis pas vraiment connaisseur de l'œuvre de Bataille, j'ai l'impression que cette enquête sur la nature du mal pour l'éviter semble quand même parfois masquer une grande fascination pour le phénomène en tant que tel. Peut-être. C'est justement la fascination qu'il a pour les sacrifices aztèques par Médite. Il a une fascination pour la pratique de... Et justement, dans ce côté cosmique, qui est seule la destruction par le sacrifice permet à la société de se régénérer sans cesse. Et il parle, je crois, de l'immunité du désir ou du possible. C'est lui aussi. Peut-être. Il y a quelque chose d'immunité chez Bataille qui est fascinant. Peut-être que vous faites la référence à Breton et au surréaliste. Il y a quelque chose de très différent avec Bataille. J'ai Barbara Cannevali qui était venue pour il y a 2 ans de Pise. les mettait finalement surréalistes dans une posture anti-moderne. Anti-moderne, mais par rapport à votre première posture du capitalisme, le domaine de la raison, là, on va dire, surréaliste était sensible à ce que vous avez déterminé comme la première phase ou première du capitalisme, et on va dire par Bataille, ils atteignaient la raison bourgeoise, on va dire, voilà. D'où cet intérêt des surréalistes de Breton qui ont été cherchés, alors eux, quasiment dans l'oubli, dans le domaine de l'oubli. On est avant les années 50, hein, les années 30. Ils ont été chercher le Novalis, ils ont été chercher le Tréamont, etc. Et paradoxalement, c'est que Barbara Cannevali les classait dans les anti-modernes comme Chateaubriand, comme Baudelaire, etc. Et à mon avis, ils sont à la fois anti-modernes et précurseurs de la deuxième phase. Voilà. Ils sont à la fois anti-modernes, si on prend la modernité bourgeoise, et très modernes par rapport à capitalisme du désir tout azimut qui est voilà, et c'est assez intéressant de voir que parmi eux, même s'ils s'en est séparé, en particulier au niveau politique, il y avait Dali comme toute puissance désirante, voilà, un peu comment dire, un Sade pictural, moi je dirais, Dali. Ce que je vois, je crois que l'intérêt des surréalistes, des Bretons, notamment pour ça, ce que j'appelle des vœux marqués, rester comme assez superficiel, c'est vraiment lié à l'idée d'un auteur qui a tout dit, donc qui est l'espèce de héros de la liberté, donc qui est aussi par la vie qu'il a menée. Et je pense que ça avait été aussi partie évidemment de l'opposition dans la société puritaine de leur époque, et à cette, évidemment à cette idée de libérer libérer l'inconscient. Et d'ailleurs, donc, même après la Deuxième Guerre mondiale, donc, Breton a aussi admis qu'il y avait aussi toute une partie de provocation dans les phrases surréalistes, lorsqu'on lui demande si le surréaliste n'aurait pas salué même la bombe atomique à leur époque dans leur désir d'en finir avec le monde bourgeois. Il fait cette phrase que je citais dans un livre de Tegbord, il dit à l'époque, déjà, c'est-à-dire que l'esprit était menacé d'être figé, tandis qu'aujourd'hui, donc, disons, dans les années 50, il est au contraire menacé par la dissolution d'une certaine manière. Donc, Breton, implicitement, a renié évidemment toute cette fascination, par exemple, comme dans sa fameuse phrase, donc il faut descendre dans la rue avec un revolver et tirer sur la foule. Donc, je pense que ça fait aussi honneur à Breton, quand même, de mettre ce chose dans un contexte historique où c'était un passage nécessaire, mais n'était pas fétichisé. Donc, c'est que, évidemment, n'a pas empêché, en 60 ans plus tard, d'autres gens encore à dire la même chose sur le revolver, ou même presque 80 ans plus tard. Donc, je pense qu'Yvonne Bataille, c'est quand même son analyse de ça, ça va quand même beaucoup plus loin. Mais évidemment, il est simplement qu'il ne reconnaît pas vraiment justement chez Sade ce côté rationaliste, rationalisateur, donc au contraire, donc il voit donc essentiellement surtout dans cette espèce d'émergence d'une partie non contrôlable de la société, une partie non prise en compte de l'être humain, mais qui est comme toujours là, qui est comme il est là, dans qui est évidemment comme les sacrifices aztèques et d'autres, ce sont toutes des façons qu'on a trouvé l'humanité pour gérer cette partie qui de toute manière, il faut gérer. Donc je pense que c'était là aussi le côté, quand même, si on veut, lumière chez Bataille. Donc il vaut mieux de connaître cet aspect sombre, donc plutôt que d'être totalement, vaincu, comme dans le cas du nazisme. Mais justement, ce que d'autres ont mieux mis en lumière, c'est juste que bon, donc justement, ça au contraire, justement, prévoyait pas du tout une société basée, une ordre basée sur une espèce de violence archaïque, mais au contraire, sur une extrême rationalisation de tous les sentiments et de tous les gestes. Alors je pense qu'il est trop tard maintenant pour commencer le discours sur les narcissistes. Non, non, non. On a donc encore moins quelques quart d'heure pour la discussion. Sinon, vous voulez, je continue à parler, mais... Oui, bon, peut-être. Une question. Oui. Kant était très influencé par le piétisme. Oui. Je ne connais pas très bien, mais ce piétisme, d'une certaine façon, est passé chez les anglo-saxons et a fini par arriver aux États-Unis. Est-ce que vous savez comment? Je me suis souvent posé la question, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas eu le temps de travailler, mais donc à tout hasard. Oui, mais essentiellement, évidemment, à travers la migration des sectes protestantes aux États-Unis, ou comme on sait, ils ont beaucoup contribué à la création de la mentalité. De la mentalité capitaliste, il y a déjà le fameux ouvrage de Max Weber, qui donc après avoir écrit la éthique protestante, il a encore écrit un autre ouvrage plus spécifique, donc l'éthique des sectes protestantes, donc d'une certaine manière, on exprimer de manière plus drastique, évidemment, la morale du travail, et surtout l'auto-observation. Ce que je pense c'était très important chez les piétistes, c'était justement cette idée de s'observer en permanence, de se juger, de s'absoudre. Donc évidemment, ça a aussi beaucoup à faire avec le surmoi, donc on pourrait même dire dans le surmoi freudien également, c'est quand même une catégorie qui n'a pas toujours existé de la même manière, c'est surtout la culture protestante. L'abolition de la figure du confesseur ou du prêtre extérieur a beaucoup contribué à faire de manière que chacun devienne son propre censeur, ce qui est naturellement et infiniment plus efficace. Ça fait exactement. Et quand même, vous avez fait très bien cité cela. C'est évidemment que c'était une contribution importante à, justement, à la forme sujet moderne. Donc, dans toute cette forme d'auto-observation et dans le protestantisme. Cela qui démontre d'ailleurs, là aussi, que les lumières et ce qu'on appelle le désenchantement du monde n'était pas une rupture véritable avec le christianisme, mais d'une certaine manière, sa continuation avec d'autres moyens. Hein. Oui, justement. Oui, Max Weber, il indique bien quand même que cet accompagnement de l'ascétisme protestant de la première lancée du capitalisme se fait dans une optique religieuse, sectaire ou pas, enfin, piétisme, méthodisme, calvinisme, voilà. Et il dit quand même, enfin, il cite à un certain moment quand même, même des penseurs puritains, que par exemple c'est mettre l'accent sur le contrôle de soi, le contrôle permanent, sur le travail, la mission qu'on a dans le travail, pas simplement le travail pour manger, mais une sorte de mission qui va forcément aider le capitalisme. À un moment, la religion disparaît un peu. Elle donne la première flamme, puis de temps en temps, il faut la rallumer. Le capitalisme se prend un peu au jeu de la désinvestissement d'entreprise, même en restant quand même assez proche de ces sectes, etc. Et il y a quand même, c'est une question que je voulais vous poser, il y a quand même un moment où ça bascule, c'est-à-dire la religion est vraiment tout à fait à l'arrière-fond. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Mais coucou. Elle n'est plus aussi présente qu'au moment du calvinisme, Amsterdam au XVIIe siècle, ou aux États-Unis, la Nouvelle-Angleterre, au moment de... Mais d'abord, nous avons déjà dit, d'une certaine manière, le capitalisme est une forme de métaphysique réalisée, descendue par terre, où ce sont les objets, où toute marchandise est un objet sensible, suprasensible, comme dit Marx. Donc, d'une certaine manière, tout objet a une côté métaphysique. Donc, d'une certaine manière, la métaphysique est même descendue du ciel pour se répandre un peu partout. On peut presque dire que nous sommes retournés dans le fond de l'animisme. Mais à part ça, même la religion stricto sensu donc n'est pas du tout disparue. Comme depuis la lumière, on nous dit que la religion est finie, mais elle retourne périodiquement. Donc même la forme la plus traditionnelle de religion, même le catholicisme, etc. Donc on a été déclaré mort 1100 fois, et surtout à chaque époque de crise, elle revient d'une manière ou de l'autre. Et si vous regardez aujourd'hui le monde entier, on ne peut pas du tout dire que même la religion traditionnelle a perdu son influence. Qu'est-ce que c'est ça? Évidemment, l'influence de l'islam, pas seulement dans les pays islamiques, mais même dans les pays où vivent des minorités musulmanes. Si vous regardez l'influence de la religion aux États-Unis notamment, donc son influence sur la vie quotidienne, son influence sur les élections, même en Italie et en Grèce, par exemple, l'Église continue à être toute puissante. Par exemple, juste un petit exemple, en Italie, il n'existe même pas quelque chose comme le Pax, même pas pour le couple hétérosexuel, parce qu'une fois que le gouvernement a tenté, il y a quelques années, de proposer quelque chose du genre, l'Église a tout de suite porté 2 millions de personnes dans la rue, il n'a jamais plus été question. Non mais justement, c'était un peu le sens de ma remarque tout à l'heure, ou de ma question. Ce passage au second plan de la religion, il est très européen. Mais justement, on a l'impression que la vitalité de la religion liée à cet esprit du capitalisme, ça passe chez les anglo-saxons, d'abord en Angleterre, et puis aux États-Unis. Parce que tout ce que vous décrivez du capitalisme, c'est quand même très américain. Très lié à les Américains ont beaucoup contribué au développement de justement de cette valeur vide, etc. Et donc on a l'impression qu'ils se sont accaparés la religion, je vais dire, pour pouvoir le faire. Mais ça a quitté l'Europe, d'une certaine façon. Mais pourquoi les Américains? Je n'affirme rien, mais c'est un sentiment que j'ai, c'est la question que je me pose. Comment ça a pu naître en Allemagne, le quiétisme, etc., passer chez les anglo-saxons, et puis éclore chez les Américains, comme c'est le cas depuis maintenant 100 ans, voire plus. Parce que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Oui, mais ça, c'est les. Ça, c'est le contexte, mais culturellement, il y a une histoire. Oui. Il y a une histoire de ce transfert de la religion. Parce que c'est très ancien. J'ai découvert, enfin, ça fait plusieurs fois, je l'ai pas lu, mais j'ai découvert un texte que cite Freud, justement, qui s'appelle America Mude, qui est un texte de 1855, je crois, qui est une critique, justement, de cet esprit américain dans lequel Freud appelait les États-Unis Dollaria. Mais Freud, bon, c'est 100 ans après. America Mude, c'est 1855. Donc on a déjà les ferments de tout ce que vous décrivez. Qui est, on voit que déjà au milieu du 19e siècle, c'est arrivé aux États-Unis. Non, Max Weber a écrit son livre après le voyage aux États-Unis. Donc c'est là qu'il a trouvé la plupart de ses exemples sur l'éthique protestante. Évidemment, sa forme la plus pure, parce qu'il n'est pas mélangé à l'autre reste. Mais aussi là, il faut justement voir que la religion n'est pas une survivance de notre époque archaïque qui va tôt ou tard disparaître face à la rationalité du capitalisme, justement parce que la rationalité du capitalisme, d'une certaine manière, swing, on pourrait dire, de l'irrationalisme tout le temps à partir de sa propre logique, parce que c'est en vérité une logique irrationnelle qui doit exclure beaucoup de choses, et donc tout ce qui exclut revient, donc justement tout ce qui ne peut pas. Justement, tout le côté refoulé de l'existence, donc évidemment, par exemple, comme toutes les angoisses et tout le manque d'humanité créé par une logique basée sur la concurrence et sur la production des valeurs, donc tout cela, évidemment, ça revient sous forme de religion, d'une manière ou d'une autre. Surtout si on y met encore la religion, même toutes les différentes formes de New Age, de cours de yoga, d'explications, toutes ces certaines manières qui donnent un sens, qui prétendent donner un sens à la vie. On ne peut pas du tout dire que nous sommes hors de la religion, même pas au sens restreint. Hein. C'est justement une chose sur laquelle vous insistez, même nous parlons de ça, de donc, la société capitaliste n'est pas une. Dans la perspective que je présente ici, n'est pas un système rationnel, mais disons injuste avec des conséquences négatives. Au contraire, c'est un système qui ne se base même, un système irrationnel, un système qui ne se connaît pas, où les sujets ne se connaissent pas, où la société n'est pas maître de ses propres actes. Et on pourrait même dire que ce n'est qu'une apparence que le sujet sont poussés par une quête de richesse matérielle. Donc c'est ce que croient les économistes libéraux, donc chacun est ému par la recherche de son profit, de son utilité maximale, cela font les économistes libéraux. Et le matérialisme historique, et une bonne partie du marxisme traditionnel, y croit également. Ils pensent que donc, tout le monde tourne autour de la production, de l'accaparement de richesses. Et donc le problème, c'est seulement que cette distribution est injuste. Justement, ici, la théorie du fétichisme porte au contraire à voir dans le capitalisme un système profondément irrationnel et finalement autodestructrice, où l'abstrait et la forme pure est vide. Donc, triomphe sur le contenu, donc ça veut aussi dire donc aucune prise en compte du contenu, du concret, du sensible n'est possible face à une logique abstraite. Pour le travail abstrait est indifférent aux objets concrets dans lesquels il se incarne. Pour le fond sujet, finalement, c'est indifférent où il peut trouver de cette manière sa satisfaction, etc. Donc ça veut dire que la société capitaliste est dans son fond même une société qui est irrationnelle dans le sens que cette manière reste indifférent au contenu. Et donc ça veut aussi dire que le fait que dans le capitalisme il y a une partie de l'humanité qui exploite l'autre pour son propre profit, que cela n'est qu'un niveau qui bien sûr existe, mais ce n'est qu'un niveau d'une réalité qui est certainement une expression d'une autre réalité plus profonde, qui est une réalité peut-être encore plus tragique, parce que c'est une réalité fondamentalement sans but destructrices et autodestructrices. Et voilà pourquoi là, par exemple, des auteurs comme Sade sont très, assez utiles pour comprendre cela. Parce que justement, Sade décrit ce système où tout est fait pour faire le plus de mal possible, mais pas pour jouir vraiment. Comme je dis, les bourreaux ne jouissent pas vraiment de ça. Ils semblent plutôt exécuter une loi, justement, comme a dit Yen Dibata, ils exécutent une loi qui le dépasse, qui l'a devant eux. Et donc, finalement, eux-mêmes, ils ne tirent pas un véritable bénéfice. Ce semble plutôt comme une espèce de malédiction qui a frappé tous les participants. C'est vrai que certains ont tiré une partie un peu meilleure que les autres, mais finalement, c'est en service des personnes. Mais dans cette perspective, l'œuvre de Sade peut-elle être comprise comme l'œuvre d'un apologiste du capitalisme, ou au contraire, en portant à la lumière l'aspect destructeur du capitalisme, est-ce qu'il n'est pas possible de défendre que Sade, justement, par la littérature, exprimé justement une mise en garde? Oui, mais c'est le même discours qu'on a fait pour tous les ce qu'on peut appeler les écrivains noirs de la bourgeoisie à partir de Machiavel. Alors, est-ce qu'ils ont, de certaine manière, ils ont vendu la mèche, donc ils ont trahi le secret. Est-ce qu'ils ont fait pour critiquer? Je ne sais pas, franchement, je ne crois pas. Non, ils ont fait avec du cynisme. On peut évidemment en donner une autre lecture, c'est là l'aspect important. Mais je pense que ce n'était pas leur intention subjective de inciter à la critique. D'ailleurs, ce n'est pas important. Hein. La lecture des surréalistes n'inclut-elle pas l'humour noir dans le cas de l'œuvre de Sade? Je crois que la question reste peut-être posée. Oui, et même la lecture de Sade, en général, est très, en plus, très centrée, évidemment, sur les aspects sexuels. Mais on veut dire qu'il y a des larges digressions sur d'autres thèmes, par exemple sur les thèmes économiques. Donc, un éloge de libéralisme économique et, en général, une espèce d'incitation à chacun d'utiliser, de profiter au maximum de l'autre, même dans d'autres domaines. Je ne pense pas du tout que Sade le faisait pour critiquer ce système. Alors, je dis finalement, les intentions subjectives des auteurs finalement sont peu importants pour juger de son œuvre. Évidemment, là, c'est évidemment toujours d'ailleurs une partie prise de toute la critique, de toutes ces formes de critique, que les intentions subjectives déclarées et conscientes des acteurs sont évidemment la dernière chose qu'il faut prendre en compte pour savoir pourquoi le monde va comme il va. Donc, évidemment, c'est le contraire de toute approche empiriste. Justement, d'une certaine manière, la théorie du fétichisme, au plus haut degré, de certaine manière, admet une espèce de priorité de la structure sur l'acteur, simplement qu'elle ne voit pas cela comme quelque chose de donné une fois pour tous, comme dans le structuralisme, comme une circularité entre une production consciente de la structure et la structure qui produit les acteurs. C'est sûr que les intentions déclarées de des personnes qui évidemment à l'intérieur d'un système nous disent finalement très peu sur pourquoi ils agissent comme ils agissent. Comme on a dit qu'il y avait déjà des décennies qu'on a demandé aux Américains quel est le problème social le plus grand de notre époque, je pense que la réponse la plus votée a été le manque d'espace pour s'égarer. Ce serait intéressant que vous puissiez revenir un peu sur le structuralisme. Là, c'est un autre sujet assez large. Juste peut-être pour. Oui, non, juste pour anticiper, on peut dire, évidemment, le structuralisme, comme d'ailleurs d'autres approches de cette époque, effectivement, a tenu compte d'une réalité. Ça veut dire qu'évidemment, la réalité capitaliste, la société moderne était toujours moins lisible comme une domination personnelle des personnes. Donc évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où on est le structuralisme, le fait qu'il y a de gros appareils, qu'il y a une structure anonyme qui domine, était devenu toujours plus visible. Donc là, et donc, d'une certaine manière, le structuralisme cueille de manière assez indirecte, effectivement, la structure fétichiste de la société. Donc là, c'est aussi de sa supériorité par rapport, par exemple, à tout marxisme subjectif qui voit toujours les dominants qui organisent leur domination sur les autres. Le problème, évidemment, du structuralisme, qu'ils ont fait une ontologie, ils ont fait une considération générale sur toute, évidemment, sur la vie humaine ou même sur la vie biologique en général, ils retrouvent partout les mêmes structures. D'abord, évidemment, cela coupe toute possibilité de changer ce système. Et c'est une conséquence indésirable, même si évidemment cela ne prouve pas que c'est faux. Mais cela, de certaine manière, aussi ne présuppose plus aucune circularité entre le système et les acteurs. Donc, d'une certaine manière, à ce moment, il y a une prépondérance figée et pour toujours de la structure qui, d'ailleurs, en plus, évidemment, n'existe plus dans la production concrète de la vie, mais essentiellement dans le langage, dans le structuralisme. Et pas dans un langage particulier, mais dans la même opposition entre voyelles et consonants, etc. Donc je pense que le structuralisme est une fausse généralisation d'une juste observation. Bah, je suis fatigué, je pense que c'est aussi. Merci.